Salut, je m'appelle Pacho-Louise. Salut, moi c'est Couniflette. Ensemble, nous formons la Ligue pour le rassemblement des jeunes pucelles fans de Gérard. Tu as entre 12 et 17 ans et tu aimes la bite? Ton cas nous intéresse. Mieux que ça, tu es fan de Gérard? Tu kiffes sa voix sensuelle? Tu te masturbes comme une chiennasse en écoutant ses débats dans le Star System? Alors n'hésite pas une seule seconde et rejoins notre association. Nous te proposons de sélectionner à ta guise une activité parmi un éventail de choix diversifié entre plusieurs options possibles. Oh putain, trop grave, comme ça veut rien dire ce que je dis. Enfin bref, tu peux t'adonner à une séance de masturbation collective devant les débats de Gérard, au cours de laquelle barreaux de chaises, poutres et planches à repasser seront mises à la disposition de ton petit orifice. Et à la fin de chaque mois, une éprouvette te sera distribuée pour recueillir tes vilaines petites pertes blanches, que nous enverrons collectivement à notre GG national. La Ligue pour le rassemblement des jeunes pucelles fans de Gérard, c'est un élan de générosité en faveur d'une espèce en voie de disparition. Gérard a été élu produit de l'année 2000 par les plus grandes marques de viande bovine. Retrouvez toutes les autres parodies de Choum sur www.choum.com.